laisse pour ma chère chérie, qu'un baiser d'une lèvre amie, et qu'une larme de tes yeux, je te les donnerai sans peine. Et nos amours qui te souviennent, si tu remontes dans les cieux, je ne chante ni l'espérance ni la gloire, ni le bonheur. Et dans par même la souffrance, la bouche garde le silence pour écouter ta voix et le cœur. Et dans par même la souffrance, la bouche garde le silence pour écouter par le cœur.